J'étais un sky. Ce soir, on est OP. Tout le monde est chaudé. Tout le monde est OK. 1, 2, 3, danser. Oh, quand on débarque dans la soirée, c'est en mode casquette et dickies baissées. Basket, Air Force, chaussettes montées. Polo, éco, tenue correcte, exigée. Oh, so clean, so fresh. On arrive dans les bacs, dans les